إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 42 aujourd'hui dans l'explication de al-usul al-thalatha avec le sharh de Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah. Et le Cheikh il dit fa'amma al-ihsan, parce qu'on est dans le deuxième pilier ou le deuxième fondement plutôt parmi les trois fondements. Et le deuxième fondement c'est au sujet de ma'rifatuddin al-islam bil-adillah, c'est-à-dire de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Et on a parlé des degrés de l'islam, le premier degré qui était al-islam et le deuxième degré qui était al-iman, et là on est rendu au troisième degré qui est al-ihsan, c'est-à-dire comme on a expliqué l'excellence de la foi et également le fait de faire preuve de bienfaisance, de bien faire les choses et ainsi de suite. Le cheikh il dit maintenant fa'amma al-ihsan, donc il va parler de l'ihsan par rapport à plusieurs aspects de la religion, plusieurs degrés d'adoration ou différentes formes d'adoration, et comment l'ihsan se manifeste dans ces différents aspects de la religion là, comment l'excellence de la foi se manifeste. Masha'Allah Muslim, Mustafa, Masha'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, tu tombes bien mon frère, parce qu'on commence à parler de al-ihsan. Donc, on a tous besoin de ihsan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours Wallahu ma'al muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants, les gens qui font le bien et qui font leurs actes avec perfectionnement. Donc le cheikh il dit فأما الإحسان في العقيدة فهو الفقه الأكبر. Il dit en ce qui concerne l'ihsan, de faire preuve de bienfaisance et d'excellence dans notre aqida, ça c'est le fiqh akbar, c'est le grand fiqh. Pourquoi le cheikh il dit al-fiqh al-akbar? Parce que en général, quand les gens utilisent le terme fiqh, ils ont souvent l'impression ou ils pensent que le terme fiqh s'applique uniquement aux règles de la religion, comme par exemple comment prier, comment se purifier, comment faire le jeûne, comment faire la zakat, comment faire le hajj, comment faire le divorce, comment faire le mariage, comment faire l'héritage, comment faire établir les peines. Ça c'est le fiqh et l'application de la sharia au jour le jour dans les actes de tous les jours. Donc ils pensent que le fiqh c'est uniquement ça. Et le terme même fiqh dans le sens linguistique c'est la compréhension. Al-fiqh faqiha yafqahu. Ça veut dire comprendre, avoir la compréhension. Sauf que la réalité c'est que le mot fiqh il englobe beaucoup plus que uniquement les règles de la pratique. Il comprend même la croyance islamique aussi, la aqida de l'islam. La conviction profonde du croyant, tout ça c'est inclus dans le terme fiqh. Et c'est pour ça que les ulama ont dit que même que par rapport aux applications des règles de la religion, c'est même al-fiqh al-akbar, Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire que c'est le fiqh le plus grand et le plus important des aspects du fiqh. Parce que l'aqidah, c'est la base de la religion. Donc c'est le plus grand aspect de la religion. Plus important que le reste. Hein? Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé les règles de la pratique al-fiqh al-asrar. Et les règles de la croyance al-fiqh al-akbar. Et il y a même une aqidah écrite par, ou bien attribuée à l'imam Abu Hanifa, qui s'appelle al-fiqh al-akbar. Al-fiqh al-akbar. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh ? Il dit فحقيقته أن يتوجه العامل بعمله كله فعلا وتركا رغبا ورهبا وغير ذلك من أنواع العبادة إلى الله مخلصا له الدين راجيا رحمته ومغفرته ونيل رضاه خائفا ووجلا من أليم عقابه وغضبه وسخطه ومقته. Donc le cheikh il explique, il dit la réalité de l'ihsan dans la aqidah, dans la croyance et dans la conviction profonde du musulman. C'est quoi cette réalité-là? C'est que la personne qui fait les œuvres et qui fait les actions, elle oriente toutes ses actions, que ce soit des choses qu'il fait ou qu'il abandonne ou qu'il délaisse. Comme par exemple, le fait de faire les ordres et de délaisser les péchés, de délaisser les, et d'abandonner les péchés. Que ce soit dans l'amour et dans la crainte et dans tous les autres aspects qui sont reliés à la religion, toutes les différentes formes d'adoration doivent être uniquement faites pour Allah et c'est pour lui seul que tu dois purifier ta religion tout entière pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu le fais avec l'espoir, avec la miséricorde, avec la demande du pardon d'Allah et l'intention ou la volonté d'atteindre son agrément. Et en ayant la crainte et la peur du châtiment douloureux d'Allah, de même que sa colère, son courroux, et yani, tous des termes. Yani, Al-Ghadab, Al-Sakhat, Al-Maqt, sa colère, son courroux, sa haine, tu veux te préserver de ça. Donc, ça, c'est des réalités que, yani, ça fait partie de la foi. Combien d'entre nous, on est capable de dire qu'on a vraiment peur d'Allah et de son châtiment? Est-ce que la peur d'Allah ou la crainte d'Allah, c'est juste quelque chose qu'on dit avec la bouche? La crainte d'Allah, ça doit se manifester dans la réalité, dans le fait que tu sais que si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit quelque chose, tu rentres dans sa menace. Donc, si tu as peur réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas t'écarter de ce qu'il t'a interdit, tu ne vas pas le faire. Et tu vas faire ce qu'il t'a ordonné. Des fois, on le dit comme ça, puis on en parle et on entend parler de la crainte d'Allah, mais dans le concret, dans la réalité, quand c'est le temps de l'appliquer, on voit que notre crainte, et des fois on se demande réellement, subhanallah, est-ce qu'on a réellement la crainte d'Allah, oui ou non? Donc ça c'est des choses que le croyant qui veut faire preuve de ihsan, il doit avoir la vraie, réelle compréhension de ces notions-là, et qu'il doit le vivre. C'est-à-dire que la description parfois des croyants, c'est comme quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'écartait des péchés et quand il parlait du paradis, quand il parlait de l'enfer, les sahaba ils disaient c'est comme si on le voyait. Il nous parlait du paradis comme si on le voyait et il nous parlait de l'enfer, c'est comme si on le voyait. Ça devenait tellement fort pour eux dans leur foi que c'était quelque chose presque des réalités concrètes qu'ils pouvaient presque voir ou sentir, même dans le sens que c'était à tel point que leur conviction et leur foi étaient réelles. Donc c'est dans ce sens là qu'on peut dire que ces gens là ils étaient vraiment des vrais croyants muhsinoun avec al-ihsan. رضي الله عنهم. إلى شيخ الزي والإحسان في العقيدة أيضا الاعتراف بألوهية الله بحيث لا تعبد الخليقة إلا إياه ولا تستعين إلا به بل تفرده بكل عبادة مالية وبدنية ظاهرا وباطنا. Donc le cheikh il dit que l'ihsan dans l'aqidah c'est également de reconnaître l'uluhiyya, c'est-à-dire de reconnaître le fait que seul Allah mérite l'adoration, l'unicité d'Allah dans son adoration, l'uluhiyya, dans le sens que tu ne vas adorer personne d'autre que Allah, aucune créature, tu adores seulement le créateur, et que tu ne cherches l'aide de personne excepté d'Allah, hein, et également que tu vas faire en sorte que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala et que tu rends toute ton adoration, que ce soit une adoration faite avec ton argent ou une adoration faite avec ton corps ou une adoration qui est apparente, physique ou intérieure avec le cœur, toutes ces formes d'adoration là doivent être exclusivement pour Allah seul. Ça c'est le tawhid. Après le cheikh il dit ibadatun mustawfiyah li ruknayn azimayn, c'est-à-dire que l'adoration que tu fais elle doit être basée sur deux grands piliers. Toute action que tu fais dans l'islam doit être basée sur deux grands piliers. الركن الأول الحب لله حبا شرعيا والركن الثاني الذل والخضوع له سبحانه وتعالى إذ هو المستحق لذلك. Le cheikh il dit donc les deux grands piliers de l'adoration quels sont-ils? Non, on ne parle pas des conditions de l'adoration, on parle des piliers de l'adoration. Donc là, ce n'est pas la même chose. Les conditions de l'adoration, c'est comme tu as dit, al-ikhlas et al-mutaba, c'est-à-dire de faire preuve de sincérité et de pureté dans ton intention pour que tes œuvres soient uniquement pour Allah. Ça c'est al-ikhlas et al-mutaba, que tes actions soient en accord avec l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les conditions, al-shurut. Maintenant, on parle des piliers de l'adoration. Les piliers de l'adoration, c'est-à-dire les piliers de l'adoration, de l'ibada. Et là, le cheikh, il explique, toute adoration que tu fais envers Allah, il faut qu'elle soit basée sur, premièrement, l'amour d'Allah. Parce que c'est l'amour qui te pousse vers l'adoration. Le fait que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes ton Créateur, et c'est un amour qui est basé sur la charia, c'est-à-dire, quand on dit un amour légal, un amour qui est basé sur les principes et les règles de l'adoration. Ce n'est pas un amour sentimental, abstrait, comme les soufis qui comparent Dieu à une femme et qui disent « je l'aime hein? ». A'udhu billah. Ou bien l'amour d'un homme pour une créature, ou pour une chose, ou pour un animal, ou pour un être humain. Ça, c'est pas de cet amour-là qu'on parle. L'amour d'Allah, c'est un amour légal, basé sur la charia, hein, qui implique de faire ce que Allah nous ordonne et de nous écarter de ce qu'il nous interdit, hein, et de l'aimer par rapport à ses noms, à ses attributs, à son unicité, à son tawhid, à ses actions, hein, et ainsi de suite, à ses attributs. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ar-rukn al-thani, le deuxième pilier de l'amour, plutôt de l'adoration, c'est quoi? C'est al-dhul wal-khudu' lahu, c'est-à-dire d'être humble devant Allah et de se rabaisser, de se faire petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu es humble et tu es petit et soumis devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le deuxième pilier de l'adoration. Celui qui est fier, arrogant, ne peut pas adorer Allah. Et celui qui n'aime pas Allah, il ne peut pas non plus l'adorer. Son adoration ne va pas être correcte. Hein? C'est sûr. Donc, pour l'adorer Allah, il faut que tu l'aimes. Et il faut que tu sois humble et que tu te rabaisses, que tu reconnaisses sa grandeur et sa toute-puissance et sa perfection. Parce que c'est lui seul qui mérite ça. C'est lui seul qui mérite cette humiliation, ce rabaissement et cette humilité. Le cheikh il dit وهذان ركنان ركنا العبادة عند علماء السلف بخلاف من انحرف فعبد الله بغير هذه الطريقة كما عبد الله بالخوف وحده وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وبالغوا في قضية الخوف وبالغوا في الوعيد حتى اعتبروا عصاة الموحدين خالدين مخلدين في النار لا شفاعة لهم ترجى ولا ذنب لهم يغفر ولا حظ لهم في الجنة وهذا تعسف وابتعاد عن رحمة الله وتيئيس للخلق من مغفرة الله عز وجل وسعة رحمته. Donc le cheikh il dit ces deux piliers de l'adoration sont les deux piliers qui sont mentionnés chez les ulama des salafs, l'amour et l'humilité. Et l'imam Ibn al-Qayyim il le résume dans An-Nuniyya et il mentionne justement al-hub wa al-khudu' wa al-dhul. Et al-hafiz al-hakami, le cheikh dit qala al-hafiz al-hakami rahimahullah thumma alam أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر ولذا قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. Donc Al-Hafidh Hakami, juste avant de continuer l'explication, de toute façon c'est tout ça c'est relié ensemble, et Al-Hafidh Hakami il a dit puis sache que les œuvres que tu fais, qui sont apparentes, elles ne sont pas acceptées tant qu'elles ne sont pas aidées par les actions du cœur. Les actions du cœur, l'amour, la crainte, l'espoir, le fait de mettre notre confiance en Allah, ça c'est les choses qui sont dans le cœur, qui sont à la base du reste. Hein? Et donc, l'adoration elle-même, elle tourne donc autour de ces deux piliers-là, l'amour et l'humilité. Et le fait de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, le cheikh, que l'adoration ne sera pas valable, sauf si, ou ne sera pas bénéfique, sauf si elle n'est pas donc rattachée à ces deux choses-là, à ces deux piliers-là ensemble. Pas une seulement, mais les deux. Parce que une tout seul, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si c'est juste l'amour, ça ne suffit pas. Et si c'est juste l'humilité puis le fait de se rabaisser et de se soumettre, mais il n'y a pas d'amour dedans, ça non plus, ce n'est pas correct. Et le cheikh, il explique et il dit, et c'est pour ça que certains d'entre les salafs ont dit, celui qui adore Allah par l'amour seulement, il devient un hérétique. Comme les soufis. Ils disent, oh, l'amour. Hein? Regarde les chrétiens maintenant. Les chrétiens, quand ils parlent de religion, ils sont toujours... Hein? Nous c'est l'amour, l'amour, hein? Et qu'est-ce qu'ils finissent par faire? Ils finissent par faire les pires crimes et puis après ils parlent encore de l'amour, hein? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah que par l'amour. Alors ils oublient que Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi juste et il est aussi dur en châtiment, il est aussi donc l'amour c'est important, mais il y a aussi les autres piliers de l'adoration qui sont importants aussi. Al-dhul, al-hub wa al-dhul, al-dhul wa al-khudu', al-khudu' et al-dhul. Ces deux termes qui sont proches. Al-dhul wa al-khudu'. Et celui qui adore Allah juste par l'espoir, c'est un murji. C'est-à-dire, il adore Allah, il désobéit à Allah, mais il dit, ah, Allah il va me pardonner. Ah, Allah il va me pardonner. Hein, puis il continue à faire les péchés, continue. Et il espère juste le pardon d'Allah. Oui, mais il ne fait pas d'effort pour rester sur la droiture. Donc celui-là, c'est comme un mourdji. Hein. Comme les gens qui disent la foi c'est dans le cœur. Peu importe ce que tu fais, c'est pas grave. Ça ne touche pas à ta foi. Et il y a ceux qui adorent Allah juste par la crainte. Hein. juste par la crainte et la menace du châtiment. Et eux, ils deviennent des extrémistes dans la religion. Ils deviennent comme les Khawarij, les Harouriya. Et Al-Harouriya, qu'est-ce qui arrive avec eux? C'est l'extrême qui les amène à ça. C'est parce qu'ils disent, Allah, il est dur en châtiment. Et si je fais un péché, dans ce cas-là, je sors de la miséricorde d'Allah. Et c'est certain que Allah va jamais me pardonner. Donc, puisque Allah va jamais me pardonner, alors je continue à faire des péchés. Hein? Parce que ça y est, j'ai plus d'espoir. Hein? Alors, exactement, c'est l'abandon. Du fait qu'il y en a des gens comme ça, qui vont dire, par exemple, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Hein? On peut pas aller plus bas que là où on est déjà arrivé. Hein? C'est ça ce qu'il dit. Et il y a même des koufars qui disent des expressions comme ça. Ils disent de là où on est, on peut pas aller plus bas. Et ça c'est la pensée défaitiste et négative, hein, pessimiste, de penser toujours de mauvaise façon que Allah il va pas te pardonner, que Allah il va pas te faire miséricorde, que Allah il va pas avoir pitié de toi, que Allah il va pas te faire miséricorde. Donc ça c'est un très grave péché, hein. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un hadith Qudsi, il dit, je suis par rapport à mon serviteur de la manière comment il pense de moi, tel qu'il pense de moi. Hein? Donc s'il pense de moi du bien, il va recevoir du bien. Mais s'il pense de moi du mal, hein, c'est ça. Donc beaucoup de gens, ils perdent l'espoir d'Allah et ils pensent à Allah, à propos d'Allah, que yani, du mal, et qu'il n'aura pas de miséricorde envers lui, et donc il tombe dans le désespoir par la suite. Et il dit à la fin, les salafs disaient, et celui qui adore Allah par l'amour, par la crainte et par l'espoir ensemble, alors lui c'est le croyant et le muwahhid, c'est-à-dire celui qui a unifié Allah dans son tawhid. Donc le cheikh, il dit donc que les salafs, ils prenaient en considération les deux piliers de l'adoration, l'amour et l'humilité. Contrairement à ceux qui ont dévié, parmi ceux qui adorent Allah sans suivre cette voie, comme ceux qui adorent Allah que par la crainte, comme les Khawarij et les Mu'tazila, ils sont allés dans l'extrême, dans l'exagération par rapport à la crainte, jusqu'à ce qu'ils exagèrent même dans la menace, qu'ils considèrent tous les pécheurs parmi les musulmans comme étant éternellement en enfer. Donc ils disent, tu fais un péché, ça y est, t'es éternellement dans l'enfer. Et même que certains d'entre eux, par exemple, ils rejettent la peine de la lapidation pour la personne qui fait le zina. Ils disent, non, il n'y a pas de punition de lapidation pour ceux qui font le zina. Puis c'est ça qui est bizarre, parce que ces gens-là, tu les entends toujours appeler à l'application de la charia. Hein? Puis parmi les règles de la charia, il y a la lapidation pour les gens qui font l'adultère. Hein? Et pourtant, eux, ils nient la peine de l'adultère. Et la raison pourquoi ils le nient, je me suis longtemps posé la question, mais là, je pense que j'ai compris la raison pourquoi. C'est parce qu'en fait, pour eux, la personne qui fait le zina devient kafir. Donc, il est considéré pour eux comme un apostat. Et la peine pour l'apostat, c'est qu'on lui coupe la tête. Hein? Donc, eux, pour eux, le zani, la personne qui fait le zina, il est apostat, il n'est pas zani, il n'est pas musulman. Donc, ils ne vont pas, comme les musulmans, comme selon l'islam, on le lapide, et après, il est enterré dans le cimetière des musulmans, et puis, on fait la prière sur lui, et ainsi de suite. Hein? Il est considéré comme un musulman pécheur. Tandis que pour les khawarij, non. Du moins qu'il fait le zina, il sort de l'islam, devient mécréant, kafir, son sang et ses biens deviennent halal, donc il l'exécute comme un apostat, et il ne prie pas sur lui, il ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Donc il ne croit pas à la lapidation à cause de ça. Et donc c'est grave, yani, à quel point ils vont dans l'extrême. Aïna, les Khawarij, et les Mu'tazila aussi. Les Mu'tazila, eux, ils disent, celui qui fait un grand péché, il n'est pas ni mu'min ni kafir, mais dans l'au-delà, il est dans l'enfer pour l'éternité. Ça c'est la position des Mu'tazila. Ça rejoint à la fin la position des Khawarij. Et le cheikh, il a dit, la shafa'ata لهم ترجع. C'est-à-dire, ils ont aucun espoir en l'intercession pour les pécheurs. Donc, depuis que tu es un musulman, tu as fait un grand péché, ça y est, il n'y a pas d'intercession pour toi, il n'y a pas de pardon possible pour toi. Et il n'y a aucune part du paradis pour toi non plus. C'est-à-dire, tu es fini. On était en enfer pour l'éternité, comme le mouchrik. Comme si tu étais un kafir ou un mouchrik. C'est grave. Donc, ils ont mis le péché et le shirk à la même égalité. Hein? Allah al-Musta'an. Après, il dit, ça, le cheikh, il dit ça, c'est comme si c'était, en fait, des gens qui éloignaient les gens de la miséricorde d'Allah. Ces gens-là. Et en même temps, ils les font perdre l'espoir en son pardon et en la largesse de sa miséricorde. C'est très grave, yani. Qu'est-ce que ces gens-là font? Le cheikh, il dit, وأهل العلم يعرفون في عقيدة الخوارج والمعتزلة أنهم يرون أن من مات وهو مرتكب كبيرة ولو كان موحدا فإنه يكون يوم القيامة خالدا مخلدا في النار وهو وهؤلاء عبدوا الله بالخوف الذي غلوا فيه حتى إنهم ما رأوا إلا نصوص الوعيد بخلاف من عبد الله بالرجاء وحده وهؤلاء هم المرجئة الذين غلوا في نصوص الوعد الكريم حتى وصل بهم الحد إلى أن قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة وهذا خطأ ظاهر. Donc le cheikh il dit, les hommes de science, lorsqu'ils expliquent la croyance des Khawarij et des Mu'tazila, ils disent que ces gens-là, ils voient ou ils considèrent que celui qui meurt parmi les gens qui ont commis des grands péchés, même s'il était sur le Tawhid, que dans l'enfer, il va être éternellement au jour de la résurrection dans l'enfer. Hein? Et ceux-là, c'est des gens qui ont adoré Allah uniquement par la crainte, à un tel point que il ne voit que les textes de la menace. S'il voit un hadith par exemple, un hadith qui dit, supposons, un hadith qui dit, celui qui fait telle chose, il va en enfer. Donc eux, ils pensent que ça y est. Ils ne prennent pas en considération que c'est possible que ce soit une personne qui a commis ce péché-là, que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, ou que Allah va le pardonner, ou que peut-être qu'il va se repentir, et que peut-être qu'il va faire des bonnes œuvres qui vont effacer ce péché-là, et donc Allah va faire passer sa miséricorde par-dessus son châtiment pour cette personne, et ainsi de suite. Donc eux non, ils ne comprennent pas les textes de cette façon-là. Eux, ils voient une menace, hein, et ça y est. Bien sûr. Exactement. Allah est Ghafour, Allah est Rahim. Et eux, ils agissent comme si ça voulait rien dire, ces choses-là. Donc, d'une certaine façon, c'est comme s'ils ils niaient, hein, soit directement ou indirectement, les attributs et les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ont rapport avec ces attributs-là, et ces caractéristiques-là. Hein. Donc, après, le cheikh, il dit, bikhilafi, donc, contrairement à ceux qui sont tombés dans l'autre extrême. Par exemple, ceux qui ont adoré Allah juste avec l'espoir seulement. Hein? Comme les Murji'a, par exemple. Eux, les Murji'a, ils ont exagéré dans la promesse de la miséricorde d'Allah. Eux, c'est le contraire. Eux, chaque fois qu'ils font des péchés, Allah Ghafur Rahim. eux, ils ont exagéré. Contrairement aux Khawarij, aux Mu'tazila. Allah Ghafur Rahim. Hein? Alors qu'il fait le péché, il dit Allah Ghafur Rahim. Hein? On espère en la miséricorde d'Allah. Hmm? Oui, c'est ça, c'est vrai qu'Allah est Ghafur Rahim. Mais en même temps, il est Shadidul Iqab aussi. Et aussi, c'est-à-dire, il est juste. Hein? Il ne va pas récompenser la personne qui mérite le châtiment, puis punir la personne qui mérite la récompense. Hein? Il est juste. Donc, après, il dit, ceux-là, donc, sont des Murji'a, ils ont exagéré dans la promesse divine. jusqu'à ce qu'ils arrivent au point où ils disent que peu importe quel péché tu fais, ça n'affecte plus ta foi. Ta foi va toujours rester complète. Même si tu fais tous les péchés du monde, c'est pas grave. Comme le, et ils font une analogie, tu vois, ils disent, de la même manière que si tu es dans le coffre, faire des bonnes actions, ça va rien te rajouter. Donc si tu es dans la foi, faire des péchés, ça va rien diminuer. Et ça, c'est une analogie qui est fausse. Parce que c'est pas parce que lorsque tu es un kafir, tu fais des bonnes œuvres, ça veut pas dire que ça veut pas dire que parce que ça te rajoute rien de faire du bien si tu es mécréant, que si tu es un croyant, si tu fais des péchés, ça va rien diminuer de ta foi. Parce qu'il y a des textes dans le Coran et dans la Sunna qui prouvent que la foi, elle diminue avec les péchés et qu'elle augmente avec les bonnes œuvres. Donc tu peux pas faire cette analogie-là, hein, simplement avec de la logique. Et souvent, c'est des gens qui parlent de cette façon-là, c'est des gens qui se basent juste sur la philosophie, hein, ou bien qui se basent sur leur propre logique et qui essaient de faire des comparaisons entre des choses qui ne sont pas comparables. Le cheikh, il dit, et ça, c'est une erreur apparente. Et il mentionne les versets. Il dit, « فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وقال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Donc le cheikh, il a dit, en mentionnant les versets 21 dans sourate Al-Jathiya, le verset qui dit, est-ce qu'il pense que, ou est-ce que ceux qui commettent des péchés pensent que nous allons les mettre à la même place ou au même degré que ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, à égalité dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Et le verset 28 dans sourate Sad, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, est-ce que nous allons placer ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres comme, ou que, est-ce que nous allons les traiter comme ceux qui font du désordre sur la terre, ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres, est-ce qu'on va les traiter de la même manière que ceux qui font du désordre sur la terre, ou est-ce que nous allons traiter les muttaqin comme les fujjar, c'est-à-dire les muttaqin, ceux qui ont le taqwa, qui obéissent à Allah et qui s'écartent de son châtiment et qui font qu'est-ce que Allah ordonne et qui s'écartent de ce qu'il a interdit, Allah va les traiter de la même manière que les pervers? Non, hein, c'est pas possible. Allah est juste. إلى غير ذلك من الآيات التي أنكر الله فيها على الكفار الذين ادعوا بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة يوم الجزاء على الأعمال فإنه سيكون لهم عنده من المنازل ومن الجاه والتكريم ومن النعيم كالعيش الذي عاشوا فيه في الدنيا قياسا لأمر الآخرة على أمر الدنيا ألا ساء ما زعموا وبئس ما اعتقدوا. Donc le cheikh, il dit, il y a aussi beaucoup d'autres versets qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala vient nier ce que les kuffars prétendent au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils arrivent au jour de la résurrection, le jour de la rétribution pour les œuvres, hein? C'est-à-dire que ils pensent que ils vont avoir des degrés et un statut et une noblesse et des délices et une vie qui est comparable à la vie qu'ils ont vécue dans la vie d'ici-bas, en faisant une analogie entre la façon dont ils vivaient dans cette vie et qu'est-ce qu'ils pensent que ça va être pareil dans l'au-delà. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, parmi les êtres humains actuellement, qui vivent dans le péché, dans la désobéissance, ou même dans la mécréance et dans le shirk, dans cette vie d'ici-bas, et qui sont comblés de toutes sortes de délices, de toutes sortes de bonnes choses dans la dunya, et qui s'imaginent que parce que ils ont ça, que ça veut dire que Allah les aime ou que Allah est satisfait d'eux, alors que ça n'a aucun rapport. Allah donne dans cette dunya à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas, hein, mais l'au-delà, il ne donne que à celui qu'il aime. Donc dans l'au-delà, c'est une autre question. Le cheikh dit ensuite, idhan المرجئة قوم بالغوا غلوا وباله في الغلو في نصوص الوعيد الكريم وتركوا نصوص الوعيد جانبا. أي نعم، باله المرجع قوم غلوا وباله في الغلو في نصوص الوعد الكريم وتركوا نصوص الوعيد جانبا، بخلاف أهل السنة والجماعة علماء السلف وأتباعهم بإحسان فإنهم عبدوا الله تبارك وتعالى بالحب والرجاء والخوف والذل له سبحانه وتعالى، فوفقوا للصراط المستقيم، لأن في هذه العبادة يعني لأن في هذه العبادة على هذه الصورة وعلى هذا الحال جمعا بين نصوص الوعد والوعيد، فلم يسلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة، ولم يسلكوا مسلك أهل الإرجاء الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولم يسلكوا مسلك الصوفية الضالة المضلة. Donc le Cheikh il dit, donc les murji'a sont des gens qui ont exagéré dans les textes qui ont rapport avec la promesse divine et la promesse du paradis. Et ils ont laissé de côté les textes de la menace et des menaces. Donc, c'est comme si eux, ils prennent que les hadiths et les versets qui parlent du paradis. Hein? Seulement la promesse. Les versets qui parlent de l'enfer puis des châtiments, ça, c'est pas pour nous. Hein? Ça, c'est pour les koufars seulement. Nous, on n'a pas besoin d'avoir peur. Ça veut dire que quand ils lisent le Coran et les hadiths qui parlent de l'enfer, ils disent, mais ça, les versets, ça sert à rien de... Hein? Ça sert à rien ça pour nous, parce que nous on sait déjà qu'on va pas aller en enfer, parce qu'on est des croyants. Alhamdoulilah. C'est grave. Mais oui, ils ont tort, puisque les croyants peuvent aussi aller en enfer, même s'ils sont des croyants. Ouais, tous les gens qui sont morts sur le tawhid vont aller tôt ou tard au paradis, mais on ne sait pas si on va aller directement. Et même si on n'y va pas directement, même si on y va comme par exemple, on passe à l'enfer en premier, mais on ne sait pas combien de temps on va rester en enfer. Et est-ce que tu peux supporter de rester en enfer une minute, une seconde? Hein? Même une seconde, tu ne peux pas supporter. Même... Exactement, c'est comme ça qu'ils disent même les juifs. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la parole des juifs dans le Coran. Ils disent, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا يعني أَيَّامًا مَعْدُودَةً يعني, c'est-à-dire, l'enfer, il ne va pas nous toucher, sauf quelques jours. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا. Est-ce que vous avez pris un engagement avec Allah? فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Parce que Allah, il va pas manquer à sa promesse. Antaquluna ala Allah ma la ta'lamun. Ou vous dites à propos d'Allah ce que vous savez pas. Non, non. Mais Allah, il a, le prophète sallam a dit, dans cette umma, il y a des gens qui vont avoir des caractéristiques des juifs et il y en a qui vont avoir des caractéristiques des chrétiens. Et c'est pour ça qu'à chaque prière, quand on fait on lit Al-Fatiha, on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » et après on dit « Ihdina sirat al-mustaqim »« Sirat al-ladhina an'amta alayhim wa ilal maghdubi alayhim wa ad-dallin » Et les ulama, même le prophète s.a.w. a dit « Al-ladhina an'amta alayhim » On sait, ce sont les sahaba et les prophètes et les sadiqin et al-maghdoub alayhim, ce sont les juifs, ils ont la colère d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance mais ils l'ont pas appliqué. Et ad-dalloun, ce sont les chrétiens, parce qu'ils n'ont pas de connaissance et ils n'ont pas de base. À cause de ça, ils s'égarent, ils font n'importe quoi, comme ceux qui sont en bas là, en train de nous déranger avec le bruit qu'ils font. Ouais, c'est ça, c'est ridicule. Et non. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils l'adorent sans rien associer avec lui. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'ils ne châtient pas celui qui l'a unifié. Naam. Mais ce hadith, il faut le comprendre comme il faut, tu vois. C'est-à-dire que les ulama, ils ont expliqué, et même quand tu vois, par exemple, quand tu vois dans le Kitab al-Tawhid, Tahqiq shahadati an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, de réaliser la réalité de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quand on parle du Tawhid, il y a des gens qui pensent que le Tawhid c'est juste la aqidah. Mais le Tawhid, la base du Tawhid c'est la aqidah, c'est la foi en Allah, en ses noms, en ses attributs. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma al-Sifat. Ça, c'est la base du Tawhid. Mais après, toutes tes œuvres, tous les autres éléments de l'islam rentrent dans le Tawhid aussi. Parce que dans le Tawhid, il y a, comme les ulama ont mentionné, il y a les conditions du Tawhid. Hein? Les piliers du Tawhid, les conditions du Tawhid. Et il y a les obligations du Tawhid. Et il y a les choses qui viennent parfaire et compléter ton tawhid. Et tout ça, c'est dans le tawhid. Donc, il y a des choses de ton tawhid. Si tu ne les as pas, ton tawhid est zéro. Comme si tu fais le shirk, si tu fais le kufr. Tu n'as plus de tawhid. Il y a des choses que si tu les fais, ou si tu ne les fais pas, ton tawhid, il va être là à la base. Mais il va être faible, il va baisser, comme si tu fais des bid'ah, si tu fais des kaba'ir, hein, des choses comme ça. Ça peut diminuer ton tawhid. Puis après, il y a des choses, si tu ne les fais pas, ça ne va pas baisser ton tawhid beaucoup, mais si tu les fais, comme des choses qui sont surérogatoires, qui sont recommandées, hein, qui vont venir faire parfaire ton tawhid et le compléter. Donc, c'est ça qui va faire la différence entre la personne qui est sur le tawhid, qui est en haut, plus haut dans le paradis, dans le firdaus, et la personne qui est sur le tawhid, mais qui a juste une graine de moutarde, de tawhid, de iman, naam. Donc, c'est comme par exemple, si tu passes un examen, tu es à l'école, tu passes un examen. Il y en a des élèves qui ont étudié bien, qui ont fait des bons travaux. Et eux, ils sont en 90 et plus. Après, il y a ceux qui ont 80. Il y a 90, et, entre 90 et 80. Après, entre 70 70 et 80. Après, entre 60 et 70. En bas de 60, tu commences à échouer. Hein? Tu commences à échouer. Ils vont rentrer, ils vont sortir par la suite. C'est juste un exemple que je donne. C'est juste pour essayer de faire comprendre que tu peux être sur le tawhid, mais ça ne veut pas dire que t'es à 100%. Tu es sur le tawhid, mais des fois tu es à 80, 70, 60. Hein? Puis tant que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui vont sortir de l'enfer, ils ont juste une atome de foi. Hein? Une graine de moutarde de foi. Ils vont brûler, on ne sait pas combien de temps, mais ils vont brûler. Exactement. Exactement. Le hadith du prophète qui dit, on va juste prendre quelqu'un, il va être saucé dans l'enfer, juste quelques instants, même quelques secondes, un clignement de l'œil, et on va lui demander, est-ce que tu as déjà eu un plaisir? Il va dire, j'ai jamais rien eu, aucun plaisir dans la vie d'ici-bas. Et un autre, on va le prendre, on va le rentrer dans le paradis, juste comme ça, un instant, une seconde, et on va lui dire, est-ce que tu as déjà souffert dans ta vie? Il a dit, j'ai jamais souffert, j'ai jamais eu aucun malheur, aucune maladie, rien. Pourquoi? Parce que tellement que il a vu la grandeur et la miséricorde, qu'est-ce qui est dans le paradis comme délice, ça lui fait oublier tout, les malheurs qu'il a eu dans sa vie. Et l'autre, il a peut-être été dans le délice de la vie d'ici-bas, mais quand il a goûté à l'enfer, juste une seconde, il a tout oublié, qu'est-ce qu'il avait eu comme délice. Donc, si c'est juste pour un clignement de l'œil, ou une fraction de seconde, tu vas rentrer, tu sors, et c'est comme ça. Imagine si tu vas rester pour 100 ans, ou 500 ans, ou 1000 ans, Tu peux même pas calculer. Déjà, tu vis sur la terre ici, des fois même, tu vis dans cette vie. Subhanallah, on vit quoi? Les hommes qui vivent le plus vieux, ils vivent autour de 100 ans. Hein? 100 ans, 110, 80, 60. Donc ça déjà, tu vis cette vie-là, tu as l'impression parfois juste à penser à ça, tu dis « Ah, c'est long ». Imagine 1000 ans dans l'enfer. Et là, on n'a même pas parlé de description de l'enfer, là. On n'a même pas parlé des descriptions de l'enfer. Parce que si on commence à parler des descriptions de l'enfer, tu dis, mais oui, c'est ça. Il faut tout faire pour être parmi les vainqueurs. Et donc, si tu veux, tu dis, je vais avoir 100%. Hein? Eux, ils volent juste avec un aile. L'oiseau, il a besoin de deux ailes pour voler. La crainte et l'espoir. Et la tête, c'est qu'est-ce qui a fait avancer, c'est l'amour. Eux, les Khawarij, ils volent sans tête et ils manquent une aile. Alors, ils tournent en rond, en fait. Exactement, c'est la chute. Il ne peut pas monter. Il peut juste chuter, c'est normal. Et les soufis, c'est la même chose. Ils ont juste une aile. Eux, ils disent, nous, on n'a pas besoin de craindre Allah. On n'a pas besoin même qu'ils disent qu'on n'a pas besoin même d'espérer en la récompense d'Allah. Eux, ils n'ont pas d'aile du tout. Allah, c'est un, ils volent même pas. Non, mais pour de vrai, c'est vrai. Parce que eux, ils disent, ceux qui adorent Allah par la crainte de son châtiment, ou par l'amour de sa récompense, ou par l'espoir en sa récompense, ils disent, ça, c'est l'adoration du commerçant qui veut juste des intérêts. Ils disent, nous, on veut aucun intérêt. On adore juste Allah par l'amour seulement. Donc ça, c'est des oiseaux, pas d'ailes. Et ils font le shirk, comme tu dis, ils font le zina, ils font le shirk, ils font les soufis. Les soufis vont faire les pires péchés qui existent. Et après, ils pensent que Allah les aime autant que s'ils les avaient pas fait ces péchés-là. Hein? Et ils pensent qu'ils sont parmi les rapprochés d'Allah. Et ça, c'est ça qui est grave avec les soufis. C'est le ghurur. Le shaitan leur a joué des tours. Il les a trompés. Donc c'est ça le danger. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ensuite le shaykh? Donc il dit, c'est ça. Il faut donc être sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et la voie des ulama, des salaf et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, c'est-à-dire que eux ils ont adoré Allah par l'amour, par l'espoir et par la crainte et l'humilité envers Allah, et à cause de ça ils ont eu le succès d'être sur le droit chemin. Et donc le cheikh il dit pourquoi, parce que cette adoration qui est faite selon cette forme, selon cette façon qu'on a mentionné, avec l'amour, la crainte et l'espoir, ça c'est l'état de celui qui a réuni entre les textes de la promesse et de la menace, et on les prend les deux ensemble, hein? Pas juste prendre une partie des textes puis laisser les autres, hein? Donc quand on rassemble les textes ensemble, là c'est là qu'on arrive à les comprendre. Et c'est ça que les gens d'Ahl Sunna font, contrairement aux gens d'égarement qui prennent juste une partie des textes puis qui s'égarent dans l'autre partie, comme les Khawarij. Ils ont pris que la menace, le châtiment, les menaces. Donc ils ont laissé tomber l'espoir. Et les Murji'a, le contraire, ils n'ont pas pris aucune menace, ils ont pris que la promesse. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont égarés. C'est comme les Qadariya puis les Jabriya. Les Qadariya, ils ont pris que les textes qui affirment, la volonté du serviteur et que le serviteur a la capacité. Et ils ont exagéré là-dessus au point de nier que Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté qui est au-dessus de celle des créatures et une puissance qui est au-dessus de celle des créatures. Et donc, ils ont dévié dans Al-Qadar à cause de ça. Et les Jabriya, eux, de l'autre côté, ils ont exagéré dans l'affirmation de la volonté du serviteur et de sa capacité. Exactement. Ça amène au shirk à la fin. Parce qu'ils disent, ce que le serviteur veut, c'est Allah qui veut. Parce que c'est Allah qui nous force à faire qu'est-ce qu'on fait. Donc si on le fait, c'est parce que Allah l'a voulu, donc c'est correct. C'est de l'égarement. Exactement. Donc c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de soufis qui croient comme ça. Qui croient que tout ce qui existe est une manifestation de, disons, de ce que Allah aime. Et ça, c'est faux. Donc, yani, ils pensent que le shirk et le kouf, Allah l'aime. C'est comme Tariq Ramadan, il n'y a pas longtemps, il parlait, lorsque des gens ont commencé à mentionner que Mandela, c'est un kafir, hein, c'est un communiste kafir, croyez pas à Allah, croyez pas au prophète. Et là, lui, il était fâché. Il disait, ah, comment des gens ils osent dire que Mandela est un kafir, ils parlent de lui sans respect. C'est un grand homme, et il faut respecter. Et il dit, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, « وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » À chacun, on leur a donné une voix. Donc ça veut dire, toi musulman, tu as une voix, mais ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres aussi. Adjib. Mais oui, clair. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, justement dans la sourate Al-Imran, il dit, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, Allah ne va pas l'accepter de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. C'est, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le ta'wil, mais vraiment grave. Il déforme la religion. Comme il dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les religions qui existent, c'est Allah qui les a voulues. Donc il faut les respecter. Et puis Allah, et si tu prends cet argument là, ça prouve que tu n'as rien compris ni dans le Coran, ni dans rien de ce que tu as entendu dans le Coran ou dans la Sunna. Parce que quoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qu'il a permis d'exister sans pour autant les aimer. Mais il les a créés pour mettre les hommes à l'épreuve. Comme Iblis, la'anahullah. Iblis, c'est le diable. Allah a voulu son existence. Est-ce que ça veut dire qu'il faut respecter Iblis? Hein? Allah a voulu qu'il y ait des meurtres, qu'il y ait du shirk, qu'il y ait du kufr, hein? Qu'il y ait des viols, de l'injustice. Est-ce qu'il faut respecter l'injustice et ces choses-là? Non! Même Iblis, tout ça, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Donc, ça veut dire quoi? Les ulama, c'est pour ça qu'ils distinguent entre al-irada al-kawniya et al-irada al-shar'iya. La volonté d'Allah qui est exprimée par qu'est-ce qu'il a créé, de façon générale, mais ça ne veut pas dire qu'il l'aime, et la volonté d'Allah dans ce qu'il a révélé dans ses livres, et qui nous a fait connaître la volonté de ce qu'il ordonne parce qu'il aime. Ça c'est deux choses différentes. Mais lui, Tariq Ramadan, il ne fait pas de distinction entre ces deux formes-là. Et il pense que tout ce qu'Allah a créé et tout ce qu'il a prédestiné dans la création, que ce soit en accord avec qu'est-ce qu'il a permis ou par rapport à qu'est-ce qu'il a permis interdit dans la révélation, il pense que c'est tout égal. Et ça, c'est absurde. Mais c'est pire que les chrétiens... S'il dit ça. Mais cette opinion-là, non, mais cette opinion, c'est l'opinion qu'on retrouve chez les Jahmiyyah et une opinion qu'on retrouve chez les Soufis. Mais oui, mais il n'y a pas de doute que c'est un shaitan. Naam. Des salafs. Naam. C'est ça. Exactement. C'est comme tu dis, Akhi, c'est exactement ça. Que la compréhension du Coran et de la Sunna, c'est pas selon moi ou toi ou n'importe qui, hein, mais c'est selon la compréhension des Sahaba du Prophète sallam, mais pas la compréhension de n'importe qui, hein, comme la compréhension de Tariq Ramadan ou des Soufis ou des Jahmiyyah, hein, Jahm ibn Safwan, Jahd ibn Dirham, hein, et Ibn Arabi et Al-Hallaj, hein, et tous les autres égarés là. Non, mais en principe, nous les musulmans, si un kafir il meurt, on n'a pas le droit d'invoquer la miséricorde d'Allah pour lui. Ben, c'est-à-dire, les ulama ils ont dit, tu peux souhaiter la condoléance au kuffar dans le sens où tu dis, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons d'Allah et c'est vers lui que nous retournons. Oui, mais d'invoquer la miséricorde d'Allah pour lui, ou des choses de, le pardon pour lui, non, c'est pas permis. Parce qu'il est déjà dans, le. Exactement, il est kafir, il est mort dans le kofr. Donc c'est ça. En ce qui concerne celui qui est mort kafir, yani Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que celui qui meurt dans le kofr, il est dans l'enfer. Et celui qui meurt dans la, foi, il est dans le paradis. Ça, c'est de règle générale. Mais parfois, les individus, en tant que tels, on ne peut pas savoir nécessairement tout le temps s'ils meurent dans la foi. Peut-être un musulman, par exemple, il meurt. Mais on ne sait pas s'il était munafiq ou non. Soit. Mais on espère pour lui la foi parce qu'il était sur la foi. Donc on dit, Inch'Allah, on espère pour lui qu'il sera au paradis. Et pour l'enfer, ben c'est la même chose. Il y a des ulama qui disent, tu ne peux pas le dire. Que quelqu'un est mort, tu ne peux pas dire qu'il est en enfer. Par contre, il y en a qui disent, si c'est quelqu'un, il n'avait pas exprimé son islam avant de mourir, on peut dire clairement que, hein, il sera en enfer. Mais ça encore, c'est parfois certaines. C'est ça, il y a divergence sur ça. Mais yani, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire, s'il est mort dans le coffre, yani, c'est un kafir. Ouais, s'il est mort dans le coffre, c'est un kafir. Il va aller en enfer. Ça c'est autre chose parce que tu sais déjà qu'il y a une divergence sur ça. Il y en a des ulama qui vont dire clairement celui qui prie pas, qui prie jamais, c'est un kafir. Ça c'est clair. Par rapport au hadith qui dit celui entre le musulman, entre l'homme, le mushrik et le kufr et le shirk à la prière, c'est-à-dire l'abandon de la prière. Et l'autre hadith qui dit l'entente entre nous et eux c'est la salat. Celui qui l'abandonne, il a mécru. Donc ça, c'est la position de ceux qui se basent sur ce hadith-là pour dire que celui qui ne fait pas la salat, il est kafir. Puis, il y a les ulama qui expliquent que yani, ça, c'est un kufr asrar. Tant qu'il reconnaît l'obligation, s'il l'a abandonné par paresse, il n'est pas en dehors de l'islam. Il reste toujours musulman. Et il est enterré parmi les musulmans. Et on fait la janaza sur lui, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les deux opinions qui existent par rapport à cette question chez les ulama de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et c'est ça. Donc, quand tu analyses les preuves, bon, moi j'ai mon point de vue, moi, j'ai mon opinion sur cette question-là. Et pour moi, je considère que c'est ceux qui, comme Cheikh Al-Albani qui dit qu'il n'est pas kafir, celui qui abandonne la salat tant qu'il reconnaît son obligation. Que je trouve que moi je considère que c'est ça la position la plus correcte. Et toutefois, la position des ulama qui disent qu'ils sont des koufars aussi, elle est valable également, parce qu'elle est supportée par des preuves aussi, qui sont des preuves correctes, des bonnes preuves de la charia qui sont fortes aussi. Donc on doit respecter cette opinion-là aussi, tu vois. Naam. Et on ne fait pas comme les gens des Garma à notre époque qui. Déclare égaré une ou l'autre des positions. Ils vont traiter de Mourdia ceux qui disent qu'ils ne sont pas koufars, et ou bien ils vont traiter de Khawar ceux qui disent qu'ils sont koufars. Et les deux, ça c'est pas permis de le faire. Parce que c'est une position qui se retrouve chez les imams des salafs depuis des siècles. Et cette position-là, entre eux, ils l'ont eue sans jamais avoir accusé l'autre de faire partie d'un groupe d'égarement ou d'une secte. Ben, dans ce cas-là, c'est-à-dire que dans un État islamique, c'est bien entendu autre chose. Parce que dans un pays musulman où la charia est appliquée, ben, c'est l'opinion des ulama qui sont, disons, responsables, puis c'est eux qui ont l'autorité, c'est eux qui vont faire appliquer les règles selon la position qu'ils ont considérée, eux, comme étant la plus proche du Coran et de la Sunna selon eux, tu vois, comme par exemple les ulama de l'Arabie Saoudite, à presque la majorité, ils sont tous d'accord que celui qui abandonne la salat par paresse, il devient mécréant. Selon eux, c'est ça. Donc ça, c'est leur position, et c'est certain que eux, ils jugent selon ça, parce que ça, c'est la position avec laquelle ils ont été convaincus, et ça fait partie de leur religion. Tu vois, tandis que si c'était un autre pays, on va dire, où le dirigeant, lui, il est par exemple sur l'opinion d'un autre, yani d'un autre point de vue, comme par exemple le madhab maliki ou le madhab shafi'i ou le madhab hanbali, ou la position d'autres ulama comme Cheikh al-Albani et d'autres parmi les salafs, eh bien eux ils vont juger selon une position différente. Mais oui, en ce moment ils l'appliquent parce que eux ils ont un gouvernement qui est islamique et tout, mais c'est un pays musulman, mais encore là, est-ce qu'on entend, mais c'est-à-dire ici tu peux pas comparer parce que ici c'est pas un pays musulman, donc ici tu peux pas dire par rapport à l'application de ces règles là c'est pas possible, parce qu'on n'est pas dans un contexte musulman ou avec des règles islamiques. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le rappel à cette personne, on peut lui faire da'wah, on peut lui rappeler l'importance de la salat, on peut lui expliquer la récompense qui est dans le fait de la faire, on peut lui mettre en garde par rapport au châtiment de la négliger, et ainsi de suite. Mais c'est tout, après ça c'est entre lui et Allah, tu vois. Chacun ici dans ce pays là s'il craint pas Allah, il est perdu pour de vrai. Dans ce pays là c'est la même chose. Tu vois une femme qui est musulmane et elle se voile pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu peux rien faire. Non, c'est sûr. Mais la seule chose que tu peux faire, comme Mustapha il dit, comme tu peux faire doua pour la personne. Et puis aussi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu lui fais nasiha, tu lui rappelles du bien, puis tu la laisses. Ou tu le laisses. Tu peux pas faire plus que ça. Tu peux pas l'accrocher avec une chaîne dans la mosquée. Ou appeler la police, non. En Arabie Saoudite, c'est un magasin, il ne veut pas fermer à l'heure de la prière, tu appelles la police, ils viennent, ils vont le fermer. Parce qu'ils ne veulent pas faire la salat. Mais si tu ne peux pas faire ça, là, l'autorité, ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas en Allah, même si quelqu'un ne croit pas en Allah. En Arabie Saoudite, un musulman qui dit « je ne crois pas en Allah, Allah n'existe pas », ils vont le prendre, ils vont l'arrêter. Mais ici, dans ce pays, quelqu'un dit « je ne crois pas en Allah », personne ne va rien dire. La règle à ce sujet-là, c'est que depuis que quelqu'un il meurt sans faire la shahada, qu'il est pour nous, il est kafir, oui. Parce qu'il meurt sans shahada. Oui, parce que c'est des gens qui ont déclaré leur foi en secret, mais qu'ils ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils ont peur. Ou bien parce qu'il peut leur arriver quelque chose. Comme Al-Najashi. Al-Najashi, il est devenu musulman, mais il n'a jamais montré ça à son peuple. Et il est mort musulman, mais il n'a jamais pu changer ou imposer, parce que sa population ne l'accepterait pas de lui, qu'il soit musulman, tu comprends? Donc, à cause de ça, il cachait son islam. Mais il croyait en l'islam, tu vois? Donc ça, c'est des cas ou des exemples comme ça. C'est parce que oui, c'est vrai. Mais moi, si je te donnais des exemples de choses qui me sont arrivées à moi avant que je devienne musulman, par exemple, je lisais le Coran tout seul dans ma chambre et que je connaissais aucun musulman et que je me basais sur des livres écrits par des chrétiens, des juifs pour connaître comment faire la prière et comment faire le... Oui, mais je savais pas comment faire. Moi, je savais pas qu'il fallait faire le wudu avant de prier. Je savais pas qu'il fallait faire le qiyam après le rukou, après le soujoud. Moi, je faisais juste le soujoud. Je te jure, j'arrivais à l'école, j'amenais une serviette. Tu sais, les serviettes comme quand on prend pour aller, après qu'on sort de la douche, on s'essèche avec une serviette. J'arrivais à l'école avec ma serviette, je mettais par terre, et là, je faisais comme ça. Ben je sais pas, je savais pas combien de fois, même je savais pas combien de fois je devais le faire. Elle m'a guidé. Ben oui. C'était écrit faut se prosterner et les prophètes se prosternaient. Donc moi je savais pas. Même je me demandais à moi-même, je dis mais combien de fois je le fais? Je savais pas. Non, c'est ça. Et moi, j'avais pas la sunna, je connaissais pas la sunna. parce que je n'étais pas encore musulman officiellement. Tu peux pas exactement. Exactement. Donc là, moi je faisais ça. Puis c'est pour dire, yani, subhanallah. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par la suite que je connaisse l'islam, que je connaisse des musulmans, que je connaisse la mosquée. Et là, c'est par la suite que j'ai appris tout ça. On m'a appris comment faire la prière, comment faire le wudu. Hein? Subhanallah. Moi, je te dis, quand je suis sorti la première fois pour aller acheter un Coran traduit en anglais, quand je suis sorti du magasin à la station McGill, j'ai acheté la copie, traduction du Coran. Il y avait le texte arabe puis le texte anglais à côté. Je suis rentré dans le métro, je me suis assis, j'ai pris le sac, j'ai sorti le Coran. J'ai commencé à feuilleter, à lire. Il y avait un gars à côté, un Rasta, un noir jamaïcain. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ce livre-là, t'as pas le droit de le toucher, tu dois te laver avant. Quand tu rentres chez toi, va prendre ta douche, après tu peux le lire. J'ai dit, ah oui, pour de vrai? J'ai dit oui. Il m'a dit oui. J'ai mis le livre dans le sac. Je suis rentré chez moi, j'ai pris ma douche, j'ai commencé à le lire. Et le gars, il était même pas musulman. Bon, il m'a donné une carte avec son nom, son numéro de téléphone. Il m'a dit, j'ai un nom musulman, mais j'ai aussi un nom Rasta. Puis là, il m'a écrit son nom musulman. Non, mais lui, il était dans une secte. C'est parce que je l'ai re-rencontré plus tard, après, quand j'étais devenu vraiment musulman. Et là, j'ai remercié Allah que je ne l'avais jamais appelé. Alhamdulillah. Mais oui, il était perdu. Mais c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il guide des fois des gens de façon étrange. De façon étrange. Tu ne peux pas savoir comment Allah guide des gens parfois. Exactement. Exactement, c'est ça. Il te fait sortir de loin pour t'amener. Tu ne peux pas savoir. Donc c'est pour ça, il faut toujours rester éveillé, Inch'Allah. Là, ensuite on va continuer donc. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit donc que on réunit les textes. Et donc on ne tombe pas dans l'exagération des Khawarij et des Mu'tazila. On ne tombe pas dans l'exagération des Murji'a. Ceux qui disent que si tu fais des péchés, ça ne va pas faire de tort à ta foi. Et on ne tombe pas non plus Donc c'est ça. Et eux disent, si tu fais des péchés, ça ne va pas faire de tort à ta foi. Et c'est la même chose comme si, quand tu es dans la mécréance, ça, de faire des actes d'obéissance, ça augmente pas ta foi ou ça fait rien. Hein. Ça ne te fait pas sortir de la mécréance. Donc, de faire des péchés lorsque tu as la foi, ça ne fait pas de tort à ta foi. Ouais, non, c'est ça, c'est grave. Et après, il dit, voilà, miyas loko. Donc, et non plus, également, les gens d'Ahl Sunna n'ont pas suivi la voie des Soufiyas, qui sont des égarés, qui égarent les gens. Après, le cheikh dit, ومن الإحسان في العقيدة الإقرار بربوبية الله وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يخالف فيه إلا شرذمة قليلة من أهل الإلحاد كانوا يسمون الدهريين سماهم القرآن بذلك حيث قال عز وجل أو عز من قائل عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويسمون بالملحدين أو الطبائعيين أو الماركسيين لأنهم أنكروا وجود الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, il y a al-ihsan dans l'aqida parmi les éléments qui ont rapport avec le fait d'avoir de al-ihsan dans la foi et dans la croyance. Il y a le fait de reconnaître et de déclarer notre foi en la rububiyya d'Allah, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître le créateur, le souverain, le pourvoyeur de subsistance, celui qui contrôle tout dans l'univers, celui qui fait vivre et qui fait mourir, et ainsi de suite. Cette catégorie et cette sorte de tawhid, même les mushrikoun l'ont déclaré. Ça veut dire que c'est pas cette catégorie-là qui fait rentrer dans l'islam. C'est-à-dire que c'est pas le fait de déclarer cette sorte de tawhid-là qui fait de toi un musulman. Malheureusement, certains individus aujourd'hui qui se prétendent être des gens qui font la da'wah à l'islam et qui prétendent appeler à l'islam, ils n'enseignent aux musulmans que cette catégorie de tawhid-là. Et ils ne parlent aucune autre sorte de tawhid avec eux. Donc, comme Jama'at Tabligh par exemple, tu leur demandes qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah, ils te répondent tawhid al-rububiyyah. C'est-à-dire de croire que Allah est le maître, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance, celui qui contrôle, celui qui fait vivre et mourir, et ainsi de suite. Ça, même les mushrikoun de Quraysh, ils disaient oui, c'est vrai. Hein? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Il dit, qui vous donne votre subsistance des cieux et la terre? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارِ. Et qui détient l'ouïe et la vue? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Et qui contrôle toute l'affaire? سَيَقُولُونَ اللَّهِ. Et ils diront Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Alors dit, n'allez-vous donc pas le craindre? Donc si c'est le cas, même les mushrikoun y reconnaissaient ça, alors qu'est-ce que t'as toi à dire ça, comme si c'était ça le tawhid que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que tous les autres messagers d'Allah ont enseigné à leur peuple? Non, c'était pas ça le tawhid que les messagers ont enseigné à leur peuple. En priorité, la base, c'est de leur enseigner le tawhid dans l'adoration. Tawhid al-ibadah. Parce que, si tu vois par exemple, quand on dit la ilaha illallah à ces mushrikoun, ils s'enflent d'orgueil et ils veulent te tuer. C'est ça qui les dérange. C'est pas que tu leur dises Allah est le maître, le créateur. Si tu leur dis le maître et le créateur, ils veulent pas te tuer. Ils veulent pas tout faire pour t'arrêter. Parce qu'ils croient déjà en ça. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Si tu dis à des mushrikines, Allah existe et il est unique et il y a un seul Dieu. Et c'est lui qui a tout créé. Ils disent, oui, d'accord, on est d'accord avec ça. Demande aux chrétiens. Est-ce qu'il y a un Dieu unique? Oui, il y a un Dieu unique. Hein? Est-ce que... Et je te jure, il y a des musulmans, ils pensent que si tu demandes à des chrétiens, est-ce que tu crois un Dieu unique, qu'ils pensent qu'ils vont dire non. Et la preuve, la réalité, c'est que si tu demandes à un chrétien ou un juif, est-ce que tu crois en Dieu unique, ils vont dire oui. Parce que dans leur livre, ils disent, dans leur livre, c'est que Dieu est un Dieu unique. C'est le premier commandement dans la Bible. Hein, et en même temps, c'est dans la fitra. Le problème, c'est par la suite, c'est que leur tawhid, il est mélangé avec l'histoire de la Trinité et avec l'histoire de l'adoration des saints, des idoles et des intermédiaires entre eux et Allah, ils déforment le tawhid. Hein? C'est pour ça qu'ils tombent dans l'égarement. Donc, le cheikh, il dit, le tawhid dans la rububiyya, c'est pas ça le plus important, mais c'est le tawhid dans l'adoration. En ce qui concerne le tawhid dans la rububiyya, il dit, il n'y a personne qui a contredit là-dedans, excepté une petite minorité dans les gens de l'athéisme, parmi les athées. Mais sinon, le reste des êtres humains, ils croient, hein, Tawhid al-Rububiyya. Il dit, ces athées, on les appelle comment? On les appelle dans le Coran des Dahriyoun. Ad-Dahriyoun. C'est-à-dire, ceux qui croient que, l'univers est éternel. Et que, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et que la matière ne fait que se transformer. De l'énergie à la matière, de la matière à l'énergie, éternellement. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Hein? Et que c'est le monde qui se transforme et qui change de forme, par lui-même, tout seul, par hasard, comme ça. Hein? Les théories comme le Big Bang, les théories comme la réincarnation chez les bouddhistes, hein? Et les théories comme, par exemple, l'idée de l'évolution chez Darwin. Hein, toutes ces idéologies-là, c'est tout inspiré de ces interprétations matérialistes de la vie et de l'existence. Ok? Il n'y a personne qui a rien créé, tout existait toujours. Hein? Et le monde, la vie, elle existe par elle-même. Il n'y a personne qui a créé les plantes, le soleil, le vent, la lune, la terre, l'eau, les êtres humains, les animaux, tout ça, c'est arrivé par hasard. Il n'y a rien qui a créé ça. Ça, c'est la croyance de ces koufars-là. Hein, les différentes couleurs, formes, espèces d'animaux, d'arbres, de plantes. Et tout ça, pour eux, c'est juste comme ça. Un Big Bang. Donc, ça, c'est complètement absurde, hein, complètement ridicule. Mais bon, ces gens-là croient à ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leur position dans certains versets dans le Coran. Comme le verset 23 dans Surat Al-Jathiyah, ils ont dit: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. C'est-à-dire, ils ont dit: il n'y a pour nous que cette vie d'ici-bas. Hein? Nous mourons et nous vivons. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent et d'autres qui naissent. Hein? Et il n'y a rien qui nous fait périr excepté le temps. Il n'y a rien qui nous fait périr excepté le mouvement des astres, des constellations, le changement du temps. C'est tout. À part ça, il n'y a rien qui est au-delà de ça. Hein? On les appelle des athées, on les appelle des matérialistes, et on les appelle des marxistes, hein, comme les marxistes communistes, là, Karl Marx, et tous ces gens-là, c'est des gens qui... Il y a aussi d'autres courants modernes, plus modernes, qui sont comme ça aussi, comme les existentialistes, hein, existentialistes comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus, hein, c'est des koufars, ça, c'est des athées, hein. Non, ils écrivent pas sur l'islam, mais ils écrivent sur Dieu. Ils disent que pour eux, l'existence de Dieu, c'est pas important. Hein? Et ils disent pour eux que c'est pas ça qui décide qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont. Eux, qu'est-ce qu'ils comptent pour eux? Ils disent, l'être humain, il doit se définir par lui-même. Puis, il doit faire ses propres règles morales. Comment il veut agir, c'est lui qui décide. Comment il veut être, c'est lui qui décide. C'est pas la religion qui doit lui dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Il doit prendre les choix et les décisions qu'il veut, puis vivre selon ses décisions et selon ses jugements à lui personnels, moraux. Puis il doit assumer ses positions et ses choix et prendre la responsabilité pour qu'est-ce qui lui arrive par la suite. Ouais, on a vu, bien entendu, on a vu qu'est-ce qui arrive comme résultat. Non, mais tous ces grosses têtes d'égarement qui sont apparues dans l'histoire des koufars de l'Europe, et même qu'est-ce qui se passe aujourd'hui encore, les tueurs en série, les fous, les maniaques qui sortent dans les écoles pour tuer des enfants, tout ça, c'est le fruit de leur société, là. Tout ce qui arrive là, c'est le fruit de leur propre éducation, de leur propre égarement. Donc, après, par la suite, ils se plaignent, ils font des études sur des trucs. Chaque fois qu'il arrive quelque chose, les universités, hein, les gouvernements, ils payent les universités pour faire des recherches sur des phénomènes, qu'est-ce qui se passe. Puis eux, ils écrivent des recherches là-dessus, puis ça continue. Hein? On dirait qu'ils traitent les êtres humains comme des rats de laboratoire pour faire des expérimentations sur eux pour voir si on fait ça, qu'est-ce qui va arriver? Et si on fait ça, est-ce qu'ils vont faire ça? Et des fois tu dis, mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Exactement, l'homme stand. Donc, la raison pourquoi, parce qu'ils ont nié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez qu'est-ce que le cheikh dit ensuite. Le cheikh, il dit: وَاشْتَهَرَ عَنْهُمْ قَوْلُهُمْ لَا إِلَهَ وَالْحَيَاةُ مَدَّةُ فَنَسُوا اللَّهُ. Hein? Nous, notre kalima, notre déclaration de foi, c'est لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. eux, ces marxistes-là, leur slogan c'était quoi? La ilaha wal hayatu madda. C'est-à-dire, il n'y a pas de divinité, hein? Et la vie n'est que matière. Hein? La vie n'est que matière. Et donc, ils ont oublié Allah. Le Cheikh dit, وَنِسْيَانُهُمْ لَهُ إِنَّمَا هُوَ كِبْرٌ وَعِنَادٌ وَإِلَّا فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُمْ رَبًّا خَالِقًا وَرَازِقًا أَنْشَأَهُمْ مِنَ الْعَدَمِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ وَيَنْقُلُهُمْ مِنْهَا غَيْرَ مُخْتَارِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَفَلْسَفُونَ ويقولون إن الطبيعة هي التي توجد وتفني توجد وتفني وقالوا كلمتهم الذميمة إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. Donc regardez, le cheikh il dit, ces gens-là ont été connus maintenant, c'est devenu célèbre à leur sujet que ils disent ça. Il n'y a pas de divinité et la vie n'est que matière. Ils ont oublié Allah. Et la raison pour laquelle ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement à cause de leur fierté et de leur arrogance. La réalité, c'est que des vrais athées, au sens pur du terme, un athée, quelqu'un qui ne croit pas que Allah existe, ça n'existe pas. Un athée, un vrai athée, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que déjà Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le cœur de chaque homme une fitra qui le pousse à connaître et à comprendre et à savoir que son créateur existe, son seigneur existe. Ça fait partie même de sa nature, de son âme. C'est présent en lui. Il le sait. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit au plus profond de ton être, cette chose-là. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils le nient avec la bouche. Mais dans le fond de leur cœur, ils savent que Allah existe. Hey, na'am. Non, mais ça, je parle des gens qui nient l'existence d'Allah. Je ne parle pas de ceux qui disent que Allah existe, mais qui lui attribuent un fils, ou qui font de l'association avec lui dans l'adoration, en adorant des idoles ou d'autres avec lui. Là, je parle principalement de ceux qui disent Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. C'est pas pareil. Ça, c'est des gens, comme Allah il le dit à propos de Pharaon dans le Coran, hein, ou dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à propos de Pharaon? Il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوًا. C'est-à-dire, ils ont renié les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en eux-mêmes, ils y étaient convaincus. C'est-à-dire, ils étaient convaincus de ces signes-là, que ça vient d'Allah. Mais ils l'ont renié, dhulman, par injustice, wa uluwa, par arrogance et fierté. C'est par l'arrogance. Le kafir, il ne va pas reconnaître l'existence d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mettre son front par terre. Il va rejeter l'existence d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas obéir aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, par exemple, une fois j'ai rencontré quelqu'un qui disait, par exemple, moi je ne crois pas en Dieu parce que la religion interdit l'homosexualité. Et tu vois, c'est des gens qui disent des bêtises comme ça. C'est-à-dire, est-ce que tu vas refuser de croire en Dieu parce que Dieu n'est pas d'accord avec tes désirs? Non, mais c'est ridicule. C'est le contraire qui devrait être dit. C'est-à-dire, bon, puisque Dieu interdit l'homosexualité, dans ce cas-là, je vais m'abstenir. Et je vais me soumettre à sa volonté. Mais non, eux, au lieu de ça, ils inversent l'affaire. C'est comme si quelqu'un, il aime voler. Il dit, ah, moi, j'aime pas l'islam parce que l'islam interdit le vol. Donc, je veux pas devenir musulman parce que je veux continuer à voler. Hein? Mais c'est la même chose. L'islam interdit de tuer. Tu dis, ah, moi je veux, j'aime ça tuer, alors je ne veux pas devenir musulman parce que l'islam interdit le meurtre. Et eux, c'est la même chose. Ah, l'autre, il va dire, j'aime le zina. Donc je veux continuer à faire la fornication et l'adultère. Donc je ne veux pas devenir musulman parce que l'islam interdit l'adultère. Donc lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une religion qui va lui dire, oui, tu peux être dans tes passions et tes désirs. Tu vas faire l'adultère, c'est pas grave. c'est correct. Dieu, il aime ça. Donc lui, il cherche un Dieu qui est soumis à lui. Il ne veut pas, lui, se soumettre à Dieu. Il ne veut pas se soumettre à Allah. Il veut que Allah se soumette à ce que lui veut. Et c'est ça la réalité de ce que ces gens-là font. C'est pour ça que c'est des gens qui sont arrogants et fiers. Aynan. Donc, au fond d'eux-mêmes, ils savent, Dieu existe. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent même pas renier. Hein? Et c'est pour ça, moi, je dis toujours, quand je parle avec des athées, ils me disent, prouve-moi que Dieu existe. Moi, je leur dis tout le temps, l'existence de Dieu n'a pas besoin d'être prouvée. Parce qu'elle est déjà, elle est claire déjà, en toi-même, elle est là. Tu le sais. Mais tu le nies parce que tu es trop orgueilleux, trop arrogant pour l'affirmer et pour l'admettre. Regarde ton cerveau là, ta tête. Hein? Si quelqu'un, on la met par terre, on prend une roche là, puis on la met par terre, on met la roche sur ta tête va éclater comme une pastèque. T'es rien dans l'univers. Puis tu penses que t'as pas besoin de créateur. C'est ridicule. C'est fini. Déjà un moustique comme une fourmi là. Une fourmi, bon, ça c'est une chose. Elle est plus petite que toi, elle peut te tuer peut-être. Il y a des insectes qui sont minuscules, ils peuvent te tuer toi. Mais toi, tu peux écraser par exemple une petite fourmi ou une moustique, hein? Eh ben, tu vois cette fourmi là par rapport à toi, hein? T'es grand par rapport à la fourmi. Toi, tu te vois géant par rapport à la fourmi. Mais dans l'univers, toi, t'es même plus petit que cette fourmi-là. Dans l'univers, t'es plus petit que cette fourmi-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout l'univers et que tout ce qu'il a créé. Tu penses que tu vas te mettre, hein, à quelque chose comme si t'as pas besoin de ton créateur? Non, mais c'est ça. C'est le pire, c'est ça. C'est quand les hommes pensent qu'ils peuvent par eux-mêmes comprendre le monde et savoir les limites des choses, le bien et le mal, et surtout les occidentaux, et surtout les scientifiques parmi eux. Hein? On a des scientifiques qui connaissent beaucoup de choses de la dunya, mais quand arrive l'adoration d'Allah et comment vivre bien, ils savent pas comment, parce qu'ils n'ont pas été guidés. Et avoir de la science, c'est une chose, mais avoir la guidance, c'est autre chose. Et la guidance, elle vient uniquement d'Allah. Hein? La science de la dunya, ça ne peut pas te dire qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est mauvais pour toi. Tu vois? Tu peux avoir de la science de toutes sortes de choses, mais comment l'utiliser après? Comment faire du bien avec? Et comment éviter le mal avec? Tu ne peux pas le savoir juste avec la science. Tu as besoin de guidance pour faire ça. Et ça, les scientifiques, ils l'ont pas. Hein? Parce qu'avec la... Et parfois, oui. Parfois, cette science, c'est pour les punir même. Regarde combien de malheurs ils ont fait avec. Parce qu'ils n'ont pas la guidance qui vient avec. Donc, le cheikh, il dit, ensuite, et on va s'arrêter après, le cheikh, il dit donc que ça, c'est des gens, ils savent que Allah existe. Ils savent qu'ils ont un créateur, qu'ils ont un Seigneur qui leur donne la subsistance et qui les a créés à partir du néant dans cette vie d'ici-bas et qui les a fait sortir du néant sans même qu'ils l'aient choisi eux-mêmes, sans même qu'ils l'aient voulu. Ça veut dire toi-même t'existes là et cet athée là il existe, c'est même pas lui qui a choisi d'exister, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, qui l'a mis dans ce monde, qui a voulu son existence. Mais ces gens-là, ils essaient de philosopher. Et ils disent, c'est la nature qui fait vivre et qui fait mourir. Et ils disent une autre parole également, il n'y a que des ventres qui, ou bien plutôt des matrices qui poussent et et la terre qui avale. En voulant dire que, c'est juste un cycle. Hein? Des bébés qui naissent et d'autres qui meurent. Il n'y a rien d'autre. Le cheikh il dit فإذا سئلوا عن الطبيعة قالوا قوة فاعلة غير أنهم لا يدرون عن حقيقة هذه القوة ولا عن صفاتها لأن مقالتهم هذه مجرد افتراء واصطلاح إلحادي. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on leur demande au sujet de la nature qu'ils parlent, on leur dit, c'est quoi cette nature? Ils disent, c'est une force agissante. Mais on ne sait pas c'est quoi. Alors le cheikh, il dit, ils ne savent pas la réalité de cette force, qu'est-ce que c'est, ni de ses attributs. Hein? Donc il y en a beaucoup de koufars, tu parles avec eux, même des gens ici, qui sont d'ici ou d'ailleurs. Tu leur demandes, toi, est-ce que tu crois en Dieu? Non, je crois en une force. Je sais qu'il y a une chose, une puissance au-dessus de nous, une force au-dessus de nous, mais ça s'arrête là. Est-ce que cette force, elle est miséricordieuse? Est-ce qu'elle a une sagesse? Est-ce qu'elle est omnisciente? Est-ce qu'elle voit tout? Est-ce qu'elle entend tout? Est-ce qu'elle sait tout? Est-ce qu'elle a tout créé? Je sais pas. Hein? Ça, il l'affirme pas. Et après, est-ce qu'il a envoyé des livres et des messagers? Et est-ce qu'il a créé? Et est-ce qu'il a... Hein? Est-ce que tu crois en ça? Ça, c'est la question. Donc, ces gens-là, ils ont inventé le terme nature juste pour détourner. Ouais, dame nature ou mère nature. Tout ça, c'est juste pour détourner les gens de la foi en Allah. Tu vas voir les profs de bio... Les profs de sciences, ils ont des doctorats dans leur domaine. Tu leur poses la question sur des choses comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le monde fonctionne comme ça? Il va te décrire même des cellules, comment ça fonctionne. Des globules rouges, des globules blancs, des cellules humaines. Subhanallah. Dans ton corps, il y a des cellules, on appelle les cellules souches. Et ça, c'est des cellules qu'on retrouve aussi dans l'embryon. Lorsque le bébé il commence à se développer dans le ventre de la mère, c'est, au début, c'est des cellules souches. La cellule souche, c'est quoi? C'est parce que dans ton corps, selon les organes, tout ton corps est composé de cellules. Mais chaque cellule, selon la fonction de cette cellule et selon le membre, et selon l'organe, elle est différente de l'autre cellule. Donc, par exemple... La cellule du foie, c'est pas une cellule qui est pareille avec la cellule du cœur. La cellule du cœur, elle bat tout seul. C'est-à-dire, si tu prends une cellule, des cellules du cœur, tu les vois, elles ont un battement comme ça. Comme électrique, c'est comme électrique, man. Puis elles battent pas en même temps quand elles sont séparées. Mais les deux, quand tu les colles ensemble, elles battent en même temps. Subhanallah. Les cellules du cerveau, les neurones, c'est différent des cellules du cœur et du foie. Les cellules de la peau, c'est différent de la cellule du foie, du cœur, les cellules des yeux, les cellules des os. C'est différent que les autres cellules. Dans le corps, chaque cellule, elle est différente de l'autre. Et à la base de toutes ces cellules-là, c'est la cellule souche. Ça veut dire que la cellule souche, c'est comme, si tu veux, une cellule qui est neutre. Elle n'a aucune fonction. Mais à un moment donné de son développement, elle devient une cellule différente. Elle se transforme en une cellule spécifique, spéciale. Cellule de la peau, cellule de l'œil, cellule du foie, cellule du cœur. Tout ça à la base, bien entendu, c'est avec les chromosomes, le sperme, hein, les spermatozoïdes, l'ovule de la mère et tout. Mais tout ça, c'est inscrit dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans ces choses-là. Donc, mais le point, pourquoi je dis ça? C'est pour dire, le gars, il connaît toutes ces choses-là que la majorité des hommes sur la terre ne savent même pas. Hein? Ils font, et lui, tu lui demandes, mais c'est qui a fait ça? C'est qui a fait ces cellules-là qui sont capables de se diversifier puis de se distinguer comme ça, l'une de l'autre? Et c'est qui lui dit, quand est-ce que tu deviens une cellule de ça ou de ça? Et lui, il répond, c'est la nature. Ajib! La nature, mais c'est quoi la nature? C'est au lieu de dire c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est Allah. Eh bien, c'est l'arrogance et la fierté. Et c'est un plan. C'est un plan aussi pour détourner les hommes de la foi en Allah. Parce que si tu dis que c'est Allah qui a créé ça et c'est parce que c'est Allah qui l'a voulu que c'est comme ça, ça implique autre chose. Ça implique que tu dois l'adorer, que tu dois croire en ses livres, que tu dois croire en ses messagers, que tu dois obéir à ses ordres et que tu dois vivre selon la loi qu'il t'a ordonné de suivre. Non pas selon des lois établies par les êtres humains dans un parlement, selon la démocratie, et suivre la laïcité et inventer tes propres règles. Hein? Donc, pour éliminer tout ça, ils ramènent la question. Ils disent, c'est la nature. Et la nature, c'est quoi? On ne sait pas c'est quoi. Parce que c'est des trucs abstraits qu'ils ont inventés, et ils savent très bien que c'est totalement des mensonges. Donc, le cheikh, il dit, on va terminer avec ça, il dit, le cheikh, وأما أهل السنة وأهل الحق من علماء وأتباع العلماء فإنهم ينسبون الخلق والإيجاد والإماتة والبعث والتصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les gens de la sunna et les gens de la vérité, parmi les ulama et les gens qui ont suivi les ulama, eux ils attribuent la création et l'existence et la mort et la résurrection et tous les différents mouvements qui se passent dans l'univers et les changements qui se passent dans l'univers, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, à Allah, l'unique, le un, celui qui a tout créé, hein, qui, celui vers qui tout se tourne. Celui qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, et qui n'a rien de, et qu'il n'y a rien qui est comparable à lui. Et c'est ça, hein, la position des gens de la vérité, la position des gens de la sunna par rapport à cette question. Donc ça, c'est un point très important. Donc c'est ça l'ihsan dans cette catégorie, dans cet aspect-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.